Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فنواصل القراءة في هذه الرسالة القيمة الزواج لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. On continue la lecture de cette رسالة sur les règles du mariage du Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله. Et dans le dars précédent, on avait fini al-fasl al-rabi', le quatrième chapitre sur sifatul mar'a allati yanbaghi nikahuha, ay le choix de l'épouse ou de l'époux pour la femme. وتقدم معنا ان المسلم sa priorité ça doit être الدين والصلاح, لان une femme pieuse مرأة صالحة فبإذن الله عز وجل ستصبر, elle va patienter sur beaucoup de choses et elle va t'aider dans beaucoup de choses بإذن الله. اما mettre comme priorité la beauté فقط, فهذا أولا, le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a conseillé de choisir par rapport au din. وثانيا أن هذا الجمال si il n'est pas fondé sur جمال القلب الباطن et la beauté intérieure, فهذا الزوج il ne sera pas en paix, il ne sera pas tranquille أبدا. بل هذه المرأة si elle lui obéit pas et si elle fait pas des efforts dans son din, peut-être que cette beauté huwa il ne s'en apercevra même plus. Aliyad, on doit faire des efforts fi al muhim كذلك la beauté avec l'âge, avec les enfants ila akhiri ربما تتغير المرأة, celui qui s'accroche qu'à ces choses, peut-être que avec le temps il se fera beaucoup de mal. Aliyad, on a lu كلام بعض الأئمة في هذا الباب ونسأل الله سبحانه وتعالى العون. واليوم نبدأ, on commence الفصل الخامس وهو في المحرمات. قال رحمه الله الفصل الخامس في المحرمات بالنكاح. C'est un فصل مهم. Après avoir démontré رحمة الله عليه أن الزواج من سنن الأنبياء, ثم إلى سيتي رحمه الله وبعض الشروط, ثم إلى سيتي أن أو بعض الأوصاف certaines caractéristiques de cette femme qu'on doit choisir, ثم هنا إلى سيتي المحرمات, أي certaines femmes l'homme il n'a pas le droit de les demander en mariage, أي il n'a pas le droit d'épouser certaines femmes. إما كما سيأتي معنا للأبد, أي toujours il ne pourra pas se marier avec cette femme. لماذا؟ لأن il a un lien de sang avec elle, مثلا sa mère, sa sœur, sa fille, il a أخرى, sa tante. إما pendant une certaine période, مثلا l'homme il n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Enfin, s'il se marie avec une femme, la sœur de cette femme elle est محرم عليه. لكن التحريم هنا il est مؤقت. Si sa première femme elle meurt ou il divorce, il a le droit de se marier avec sa sœur. C'est des ahkam muhim. كذلك il va citer al-muharramat bil-rada', et on verra que ça ressemble à al-muharramat bil-nasab. Al-muhim, c'est un bab très très important. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الفصل الخامس في المحرمات بالنكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. هذا الحديث تقدم معنا في الأربعين النووية. فرض فرائض فلا تضيعوها. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné de faire certaines choses, des obligations, qu'on n'a pas le droit de les délaisser. قال وحد حدودا, des limites. مثلا هنا, et c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, أن الله عز وجل il nous a autorisé de se marier avec certaines femmes, il nous a interdit de se marier avec d'autres. هذه حدود, حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. On n'a pas le droit de dépasser ses limites. Celui qui dépasse ses limites, il يقع في الظلم, dans l'injustice. فلا تعتدوها. Et tu n'as pas le droit de les dépasser. قال ومن جملة الحدود الشرعية التي حد الله تعالى حدودها النكاح حلا وحرمة أو حلا وحرمة أي كما تقدم النكاح الزواج se marier avec telle femme la base c'est halal et dans certains cas c'est haram مثلا المؤمن il a pas le droit de se marier avec une kafira mushrika المؤمن il a le droit de se marier avec une kitabiyya bien sûr avec des quyoud المؤمن il a le droit de se marier avec sa cousine المؤمن il a pas le droit de se marier avec sa sœur المؤمن il a pas le droit de se marier avec sa tante وهكذا حدود tu trouveras des textes fait le Coran ou fait Sunna qui t'expliquent ses limites. Et telle chose, tu as le droit, telle chose, tu n'as pas le droit. قال حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك. Il a cité trois cas qu'on détaillera ensemble, inshallah, en lisant. Enfin, certaines femmes, elles ne sont pas permises pour l'homme. إما لقرابة أي il a un lien de sang avec cette femme مثلا sa tante la sœur de sa mère أو la sœur de son père tante maternelle paternelle ألا يجوز للأبد لماذا لأن il a un lien avec cette femme فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم dans plusieurs hadiths il a démontré أن العم بمنزلة الأب l'oncle c'est comme le père et la tante c'est comme la mère لماذا لأن cette femme c'est la sœur de ta mère et cet homme c'est le frère de ton père فلا يجوز الله سبحانه وتعالى nous a interdit في هذا الحال le mariage هنا c'est القرابة قال أو رضاع كذلك l'allaitement et inshallah quand on lira on détaillera قليلا أو مصاهرة كذلك par alliance مثلا tu as le droit de te marier avec une femme لكن tu n'as pas le droit de te marier avec la mère de cette femme. Même si tu la divorces, ta belle-mère, elle est muharram alayk lil abad. Si tu fais l'aqd à une sœur, sa mère, elle devient haram. Et tu es muharram pour elle, même si tu divorces cette femme. Ahyanan, un autre cas, c'est, et on l'a cité, at-tahrim, il peut être muaqqat. Mathalan, tu es marié à une femme, et cette femme, elle a une sœur, elle est haram alayk. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a interdit de rassembler deux sœurs. De se marier avec deux sœurs et en même temps. Amma, si tu divorces cette femme, tu as le droit, bien sûr, avec des quyoud, après l'idda, il a arrêté de te marier avec sa sœur. هذا الباب, il est muhim. لماذا لأن il va avoir beaucoup de ahkam qui vont découler de ces qawa'id que l'ulama ils ont cités. فكم من الناس, ils pensent que telle femme, il est mahram pour elle. C'est un mahram huwa pour cette femme. Et vu qu'ils ne connaissent pas ces règles, qui sont fondées sur Al-Kitab ou Sunnah, Rabbama, il va voyager avec cette femme. Alors que lui, ce n'est pas un mahram pour elle. Oh, il va lui serrer la main. Oh, il va se retrouver seul dans un endroit avec elle. En prétextant que c'est une femme qui est proche. لماذا لأنهم ils ignorent مثل هذا الكلام. Mais celui qui connaît Hada, falhamdulillah, il saura comment se comporter. Certaines femmes, naam, il a le droit de voyager avec maintenant sa mère, sa sœur, sa tante, il a akhiri sa fille. Il a le droit de leur serrer la main, il a le droit de rester avec elle, même seule dans un endroit. Il a akhiri, et d'autres femmes là. Lakin, vous avez remarqué que cette époque où qu'on vit, où que l'ignorance elle s'est répandue kathiran, wa'adhu an-nas, hatta hadhi al-masail, ils ne les ont pas compris. Et si tu les conseilles, pourquoi tu serres la main à Foulan et tu veux son bien et tu lui montres que c'est haram et tu lui cites les hadiths qui montrent le danger, le châtiment qui risque, peut-être qu'il te répondra, laquelle c'est comme ma sœur. Oh, je la connais depuis que je suis petit. Enfin, ils ont délaissé les textes et ils se basent sur Al-Ada et sur les coutumes. لماذا لأن depuis qu'ils sont petits ils sont habitués à هذا vu que les parents ils donnent pas de l'importance à certains parents plutôt ils donnent pas de l'importance à ces choses là فهو il pense que c'est comme sa sœur alors que c'est sa cousine ou أبعد من ذلك c'est sa voisine comme une fitan ça provoque مثل هذه الأمور وشيخ ابن عثيمين il a un كلام جميل في شرح رياض الصالحين il a un كلام جميل في هذه المسألة فنقرأه إن شاء الله قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم الخلوة بالأجنبية. الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين إلى ستة شابتر تحريم الخلوة بالأجنبية. الخلوة se retrouver seule. الأجنبية c'est une femme qui t'est étrangère, c'est une étrangère pour toi. الأجنبية, pour bien comprendre ce terme, tu dois te baser sur les textes du Coran et de la Sunna. أما البعض ils ont compris من الأجنبية ce qu'il pense lui. Ah oui, il a été éduqué sur telle chose, enfin, il pense que cette femme, c'est pas une étrangère. مثلا, les voisines. Pour certains, c'est, elles font pas partie de l'ajnabiyat. Ajnabiyat, on peut traduire donc par étrangère. L'imam, Léana, c'est sa voisine. Il a grandi avec elle depuis qu'ils sont petits et ils se mélangent. Enfin, quand ils grandissent, peut-être qu'il la prend comme sa sœur. Peut-être qu'il va voyager avec elle, peut-être qu'il va lui rendre visite chez elle et elle est toute seule, peut-être qu'il va lui serrer la main. لماذا؟ لأنهم ils ont pas compris هذا. الحقيقة نحن on est des musulmans et on doit revenir au texte. C'est pour ça que l'imam Nawawi il a cité هذا et il va citer un verset des hadiths pour démontrer ce qu'est l'ajnabiyya. Si c'est une ajnabiyya, même si tu la connais, même si tu es proche, il a akhiré, enfin, certaines choses tu n'as pas le droit. Et certaines choses tu as le droit. C'est pour ça que هؤلاء qui se sont écartés du ilm et qui suivent al-adat et les coutumes des parents et dans tel pays ils font il a arrêté. Enfin, peut-être que sa voisine il va la prendre comme sa sœur et il va lui serrer la main il a arrêté. Si tu lui parles de mariage c'est possible qu'il se marie avec elle fayaqul la ka'annaha c'est vraiment sa sœur et il n'arrive pas à penser qu'il peut se marier avec elle alors qu'elle est halal pour lui s'il se marie avec elle. Fanduru ash-shaytan. Shaitan, comment il égare l'insan, fait des choses halal. Peut-être que cet homme il se privera alors que c'est halal là-bas, et des choses haram qui doivent s'écarter, il les fait. قال رحمه الله قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Si vous leur demandez une chose, demandez-leur من وراء حجاب. Ça montre que l'homme il ne peut pas se mélanger avec cette femme. Il ne peut pas regarder cette femme étrangère. La bout min hijab. Cette femme, elle doit être couverte. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. إياكم والدخول على النساء. Hey, mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne rentrez pas auprès des femmes. Bien sûr, les femmes étrangères. Il y a des autres preuves qui montrent que, bien sûr, t'as le droit de rester avec tes proches, ta mère, tes sœurs, tes filles. Il a akhiri, hada c'est wadih. Iyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Fa qala rajulun min al-ansar, afara'ayta al-ham? رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم il a posé cette question au prophète صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحم et il lui a demandé sur الحم et cet homme qui est proche de cette femme ou qui est proche du mari de cette femme لأن الحم كما سيأتي معنا من كلام الشيخ ابن عثيمين c'est أقارب الزوج c'est les proches du mari. Enfin, ce sahabi il a demandé مثلا أنت tu es marié avec une sœur ton frère. Ton frère, c'est un proche pour toi. Enfin, est-ce que ton frère, il peut rentrer dans un endroit, dans une pièce où qu'il y a ta femme, il peut lui serrer la main, il a akhiré. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. Il a comparé الحم بالموت, c'est la mort. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré à ce compagnon, رضي الله عنه, et à toute la communauté, le danger, la gravité. قال الإمام النووي رحمه الله الحم قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. النووي رحمه الله il a démontré أن الحمو c'est les proches du mari comme son frère ou son neveu ou son cousin. Et ça arrive souvent là. Le cousin, le neveu, le frère, est-ce qu'il peut rester dans une pièce où il y a ta femme, est-ce qu'il peut lui serrer la main, est-ce qu'il peut voyager avec elle et c'est lui son mahram. Et ces questions elles reviennent souvent. تأملوا la clarté du hadith. النبي صلى الله عليه وسلم il a pas dit là quand il lui a demandé le sahabi رضي الله عنه أفرأيت الحم il a pas dit là il a pas le droit il a dit الحم الموت Et c'est la mort pour démontrer le danger. Et on lira ensemble, inshallah, l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen. On lit le dernier hadith du chapitre wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'a dhi mahram, muttafaqun alayh. Et l'homme, il n'a pas le droit de se retrouver seul avec une femme dans une pièce, dans un endroit, illa si elle a un mahram. Amma, tout seul avec cette femme qui est étrangère pour lui, fala yajouz. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال المؤلف رحمه الله أي الإمام النووي باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والمرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم مثل بنت العم بنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة وما أشبه ذلك إلى donné des exemples أن la cousine عند بعض الناس la cousine pour eux c'est comme la sœur. Enfin, il pense que lui, c'est un mahram pour cette femme. Alors que non, cette cousine, que ce soit la fille de ton oncle, paternel ou maternel, ou la fille de ta tante, paternelle ou maternelle, c'est une ajnabiya pour toi. Même si vous avez des liens, vous êtes des cousins, et vos parents, ils sont frères et sœurs, ou c'est deux frères ou deux sœurs, ben dans notre dîn, cette femme, ça reste une ajnabiya. Et cet homme, il peut se marier avec cette femme. فَلَا يَجُوز de faire certaines choses مِنْ مُخَالَطَ وَمُصَافَحَ وَالسَّفَرْ وَخُلْوَ إِلَى آخِرِهِ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله والخلوة بها حرام وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما إلا كان ثالثهما الشيطان. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'homme il se retrouve avec une femme étrangère seule dans une pièce, enfin, le troisième c'est الشيطان. قال رحمه الله فما ظنكم بمن ثالثهما الشيطان. Qu'est-ce que tu vas penser de deux personnes dont le troisième c'est الشيطان? Quel khayr tu vas attendre? Quel bien tu vas espérer? Cette assise, il découlera de cette assise que du char, que du mal, que des fitnes. Même si l'insan il pense qu'il est à l'abri, كما يقول البعض, c'est comme ma sœur. بَلْبَعْضُهُمْ quand tu le conseilles, كَأَنَّهُ tu l'as accusé de vouloir faire telle chose, et ils le prennent mal. C'est à cause de leur ignorance. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a conseillé. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mis en garde. وَالْإِنسَانْ لَا يَظُنْ أَنَّهُ il est قَوِي quand il est tout seul en face d'une femme. Là. لِأَنَّ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam il a fermé les portes, لِمَادَ لِأَنَّ الْإِنسَانِ il est ضَعِيف. Et ça peut provoquer beaucoup de mal. فالمؤمن si on le conseille via hadha al-bab il dit barakallahu fik, et il demande les preuves s'il ignore, et s'il a appris fa il met en application. Amma rejeter et l'orgueil et la fierté, hadha la yanfa. Qala inna dhannana bidhalik annahuma sayakuna 'urdatan lil fitna wal 'iyad billah. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah qala anna ce qui va sortir de cette assise, c'est que des fitan, ayyadun billah, que du mal. قال ثم ذكر قوله تعالى ثم ذكر قوله تعالى وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. يعني لا تدخلوا عليهن اسألوهن من وراء حجاب حتى لا تحصل الخلوة. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit qu'un homme il se retrouve avec une femme étrangère dans un endroit seul. إياكم والدخول على النساء. Enfin, si dans telle maison il y a une femme étrangère, tu n'as pas le droit de rentrer. Dans telle pièce il y a une femme étrangère et elle est seule, tu n'as pas le droit de rentrer. لماذا لأن le troisième c'est الشيطان, et ça ouvre une porte de fitna. Même si cette femme, elle est proche de toi. Les Anna, elle peut être proche. Et tu es un mahram pour elle, ta mère, ta sœur, ta fille, il a arrêté. Et elle peut être proche. Et tu as un lien avec elle. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas autorisé. Mathalan, ta cousine, mathalan, ta belle-sœur, la femme de ton frère, il a arrêté. Fala yajouz. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, yani iyyakum. أحذر أن تدخل على النساء وهذا تحذير بالغ. قالوا يا رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم الموت. قال شيخ ابن عثيمين الحمو يعني أقارب الزوج مثل أخيه وعمه وخاله هذا هو الحمو وأما أبو الزوج وابن الزوج فهو من المحارم هذا واضح donc c'est les proches du mari amma le père le fils إلى آخره de cette femme فلا شك أنه إلى الضوء ثم قال شيخ ابن عثيمين هذه كلمة أي الحمو الموت الحمو donc c'est le proche du mari الموت c'est la mort هذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير يعني كما أن الإنسان يفر من الموت فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم فكم on n'espère pas la mort on ne veut pas mourir فلهذا الإنسان quand il est en danger يفر أي il se sauve il s'éloigne فهكذا fais attention pour ta femme pour tes أقارب أي ne laisse pas rentrer un homme étranger عندهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحم الموت sauf avec un mahram et avec le hijab إلى آخره قال وهذا يدل على التحذير الشديد كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد له لأن الصحابي lui a demandé أفرأيت الحم النبي صلى الله عليه وسلم il a pas dit la yajouz pour lui de rentrer là قال الحم الموت Et là, chaque année, cette comparaison avec la mort, c'est pour montrer la danger, c'est pour montrer le danger ou la gravité de هذا الفعل. قال ودخول قارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب. Et c'est là la gravité de الحقيقة. أن si ce proche y rentre, في الحقيقة, c'est plus grave qu'un étranger. لماذا؟ قال شيخ ابن عثيمين Quand on dit un étranger et qui n'a aucun lien avec cette femme, qui ne la connaît pas maintenant. قال لأن هؤلاء يدخلون باعتباره مقارب فلا يستنكرهم أحد. فمثلا أنت, si tu vas chez ton frère, dans l'appartement de ton frère, et il y a sa femme, ففي الحقيقة, tes parents ne vont rien te dire, les parents de la femme ne vont rien dire, si on considère qu'ils sont ignorants. ربما ton frère il va rien te dire لماذا لأن tu fais partie de la famille il a akhiri fait tu auras beaucoup de facilité à rentrer ayyadun billah c'est très très grave قال وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد لذلك كان حراما على الإنسان أن يمكن أخاه مثلا من الخلوة بزوجته c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit et cet homme il n'a pas le droit de laisser son frère rentrer chez lui quand il n'est pas là Et il reste tout seul avec sa femme, ayyadun billah. Si on rajoute, comme yaf'al ba'd an-nas, annahu, ils mangent ensemble. Même s'il y a le mari, lakin il n'y a plus de hijab, thumma des conversations, thumma rubbama dhahik, wa mukhalata. Et hakadha, avec le temps, hatta les cœurs ils deviennent malades. Combien d'histoires vous avez entendues, et j'ai déjà entendu, anna, cette femme, Elle trompe son mari avec le frère de son mari, avec son beau-frère. Pourquoi ? Cette porte n'a pas été fermée. Cette famille elle est déchirée. Si le frère il sait qu'il a été trompé, et sa femme elle a trompé avec son frère, c'est une musibe. Pourquoi ? L'insan c'est un bachar. L'homme il est attiré par la femme elle est attirée par l'homme. Si cette porte elle est ouverte, ce beau-frère, il parle avec sa belle-sœur. Alors qu'il n'y a pas de hajj. Il a le droit de parler avec elle, mais si un mahram avec le hijab, quelque chose de muhim, et c'est tout. Amma, des discussions, des repas ensemble, plus de hijab, ça se mélange. Ils vont au travail, et le beau-frère, il rentre, et il parle avec cette femme, et il discute, il a affaire. Ah, ne pas oublier le hadith, anna shaytan, c'est le troisième. Le shaytan, il ne les délaissera pas. Hatta, rubbama, iyadun billah, yaqa'ouna vi al-mahdour. Alihada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde. Et il a comparé le fait que le proche du mari se rapproche de cette femme, bil-maut. Qala, shaykh al-Uthaymin, rahimahullah. Lidhali, kana haraman ala l'insan. أن يمكن أخاه مثلا من الخلوة بزوجته وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر تجد عنده زوجة وله أخ بالغ فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهما وبعضهم يزون تساهل فيها Et il a bien fait, rahimahullah, de préciser. C'est pour ça qu'il a précisé. L'albard dit, lakin fulan, il est encore petit. Si il a atteint l'âge de l'boulour, et ça peut être très tôt, ça peut être 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et il reste mélangé avec cette femme, enfin, c'est très très grave et c'est dangereux. Fermez les portes au départ. Préservez cette famille, préservez ce couple. Amma Ward al-Juhal, ils disent que c'est de, du tashaddud. Vous exagérez. Bardoum, ils le prennent mal. Jiddan. Les mains-là. Les annahum, ils ne reviennent plus au texte, au Coran et à la Sunna. C'est les passions, v'l'haqiqa. Si tu lui dis maintenant, là, ma femme, elle est dans ce bayt, tu ne peux pas rentrer. Faka annahu, tu l'accuses de vouloir faire telle chose. L'insan, il est vaïf. On n'accuse personne, lakin, il faut mettre en application la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on répète, l'insan, il est vaïf. Kadir min haoula, il pense être préservé, et j'ai un bon fond, mon cœur, il est blanc, il a akhiré. Et, iyadam billah, kadir min hum waqa'u fi adha'im. Limada? لأن دلس السنة النبي صلى الله عليه وسلم سلا بغض الفتنة كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تأمل في حال الكفار أنهم يسميلانجهم sans limite وللأسف بعض المسلمين اللي les ont imité في هذا et tu les trouves عيدا بالله هذا يترompe son sa femme avec Hadi, ou Hadi, elle trompe son mari avec Hadi, des proches, entre frères, entre sœurs, iyadam billah, musib, hatta ça arrivait, iyadam billah, bardoum, ils ont trompé leur femme avec leur belle-mère, il a akhiri, une musib, karitha, limada, les portes, elles n'ont pas été fermées. Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit ces choses que pour notre bien. Combien de personnes ils ont regretté? Et ils n'ont pas compris comment mon frère il a réussi à me trahir. Les mains d'aller à ton frère, c'est un bachar. Il est vaïf. Et tu as laissé la porte ouverte. En contact avec ta femme. Souvent. Hatta les sentiments, ils sont rentrés. Shaitan, il est rentré. Thumma waqa, ma waqa. Elle m'a fermé les portes au départ. C'est du din. Elle m'a si. On fait passer les sentiments avant din. Enfin, c'est la porte, fait le haqiqa, des regrets qui s'ouvrent. Et celui qui ferme cette porte, alhamdulillah. Il est vie, salam, et nous, on est des musulmans. Amma, les kuffars, ils n'ont pas de din. A chaque, iyadam billah, non, ils font hada wa akthar. Ils n'ont plus de limite. Amma, en tant que muslim, on a un Coran, wa lillahi alhamd. Qala azza wa jal, wa idha sa'altumuhunna mata', fas'aluhunna min wara'i hijab. Même si tu dois rentrer en contact, ça arrive, avec ta belle-sœur, il y a un mahram. Il y a un mahram. Bien sûr, à l'al-hijab, à shar'i. Mais le mardi rentre. Ka'annaha, c'est son épouse. Elle est dans une tenue que seul son mari peut la voir. Et tu trouves le beau-frère, il y a troll, et le voisin, il y a troll. Iyadam billah. Iyadam billah. Ar-rajul, il doit avoir de la ghayra. Un homme qui n'a pas de ghayra. Et de la jalousie. Pour préserver sa femme. Hada, c'est un dayous, comme sammah, un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu trouves al-kuffar, iyadam billah, ils ont des ajaïf et had al-bab, ou al-asaf, ou al-muslimin, ils leur ont ressemblé. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, al-hidayah, ou al-tawfiq lil-jami'a. Hada, ma yata'allaq bi hadihi nasiha al-mukhtasara, pour démontrer l'importance de connaître hadihi al-ahkam, et cette étude qu'on va faire de ce chapitre ensemble, bi-idhnillahi azza wa jal, elle va nous permettre de savoir tu es un mahram pour quelle femme tu as le droit d'épouser, quelle femme tu n'as pas le droit d'épouser, quelle femme tu as le droit de, si tu es un mahram tu peux voyager avec elle, tu peux lui serrer la main, il y a des règles à savoir. Le cousin et la cousine, tu n'es pas un mahram pour elle. Min babi awla, les voisines, hada c'est wadih. Lakin, donner du temps au ilm et mettre en application, surtout à notre époque, c'est très très important. Naktafi bi hadha al-qadr. Et le prochain cours, inshallah ta'ala, on lira le premier point, muharramat da'iman. Là, il y a des muharramat, c'est toujours, tu n'as pas le droit de te marier avec elle pour toujours. Et il y a des muharramat, comme on l'a dit, c'est ila ajal ay. S'il y a une cause, tu ne peux pas. Et si cette cause n'est plus présente, tu peux. Walhamdulillah.